Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de notre histoire des ministres et des ministères dans la fabrique de l'histoire, alors que sortent en librairie et à la télévision sur France 3 vendredi prochain un livre et un documentaire de Jean-Michel Jean, titrés tous deux « Ministre ou rien ». Hier, nous nous sommes promenés dans ce qui est considéré comme la première architecture spécifique de bureaux à Versailles, les hôtels de la guerre et des affaires étrangères. Demain, nous participerons comme beaucoup d'autres émissions de France Culture à l'opération Cause Commune avec un journal, Le Figaro, dont nous nous demanderons quelle place il a tenu dans l'histoire politique et ministérielle française. Jeudi, nous débattrons du rôle des ancêtres des ministres, les conseillers ou secrétaires d'État auprès du roi sous l'Ancien Régime. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire réalisé par Renaud Dalmar prend appui sur les témoignages d'une douzaine d'anciennes et d'anciens ministres. Jean-Pierre Chevènement, François Baroin, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Pierre Soisson, Jacques Ralite, Roselyne Bachelot, Robert Badinter, Jacques Toubon, Michel Rocard, Brice Lalonde, Marie-Noëlle Lienemann, Frédéric Mitterrand ou Yves Guénat ont confié à Jean-Michel Jean leurs espoirs et leurs désillusions dans l'exercice d'un pouvoir assez éloigné de celui imaginé par nos tragédies classiques. La mutuelle cohue des journalistes a salué la sortie du premier conseil des ministres de l'équipe Juppé 2. Seul Jean-Claude Gaudin, toujours bronzé dans sa chemise bleu ciel, s'est prêté et reprêté au jeu des caméras. Pour ce nouvel arrivant, ministre pour la première fois, c'est un vieux rêve qui devient enfin réalité. C'est quand même très important dans la vie d'un homme politique d'arriver, de s'asseoir à la table du Conseil des ministres. Dans la cour de l'Élysée, Élise Carlin, Philippe Lefebvre, France Inter. Oui, c'est vrai, on souhaite être ministre. Yves Guénat. C'est le sommet d'une carrière. En dehors de président de la République, Premier ministre, on ne peut pas avoir une plus grande réussite, même si on n'est pas très bon à ce moment-là, que de devenir ministre. Être ministre, entre espoir, pouvoir et désillusion. La fonction de ministre bénéficie d'un prestige qu'elle tient de l'histoire, d'abord. Édouard Balladur. Qu'elle tient aussi de l'importance des responsabilités. Je sais bien qu'à notre époque, il est d'usage de dire que le pouvoir politique est pris dans des contraintes multiples, régionales, nationales ou européennes. La fonction ministérielle a moins d'importance. Il est aussi d'usage de dire que l'importance du pouvoir présidentiel en minore l'influence. Il n'en reste pas moins que c'est une fonction très importante parce que un ministre a un rôle important à la tête de l'administration qui est la sienne. Il peut avoir une politique qui marque et qui laisse un souvenir et un grand souvenir. Je ne sais pas si on peut dire que cette fonction reste prestigieuse. Il ne faut quand même pas oublier que ministre, comme administration, a quelque chose à voir avec Minus. Jean-Pierre Chevènement. On est tourné vers les petites choses. Le prince qui exerce la souveraineté demande à un certain nombre de personnes de s'occuper de tel ou tel secteur de détail. Donc, le ministre, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un secteur défini de manière souveraine par le prince. Ce prestige, Roselyne Bachelot, il est sans doute lié à la conception monarchique qui est la caractéristique de notre vieux pays républicain. C'est-à-dire que celui qui vit sous les ors de la République détient une parcelle brillante de ce pouvoir presque divin. Un pouvoir presque divin. Allô. Voici M. Balladur va lire la liste du gouvernement. Allô. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. On la relira tout à l'heure. Même si les gouvernements de la Ve République ont vu croître au fil des décennies le nombre de leurs ministres, seules quelques petites centaines de femmes et d'hommes ont accédé à cette fonction depuis 1958. C'est bien peu en regard de toutes celles et de tous ceux, élus municipaux, conseillers généraux ou régionaux, qui ont un jour rêvé de devenir ministre. Pour un film de télévision produit par les Films d'ici, Jean-Michel Jean a rencontré une vingtaine d'anciennes et d'anciens ministres. Il et elle lui ont confié leurs attentes, leurs espoirs d'une action différente de celle de leurs prédécesseurs. existent, mais aussi les freins mis à leur pouvoir supposé, qu'ils prennent la forme d'un veto présidentiel ou d'une sourde opposition de leurs collègues d'autres ministères. Au bout du compte, beaucoup d'entre eux relativisent le pouvoir qu'ils ont eu, tout en regrettant de ne l'avoir plus. J'ai toujours été étonnée devant le prestige dont jouissait la fonction ministérielle. Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable en 2002-2004, puis ministre de la Santé et des Sports entre 2007 et 2010. Parce que finalement, c'est un boulot de chien, sans vacances, sans week-end, où on travaille 15 à 18 heures par jour. Il y a de moins en moins de considération pour les ministres qui sont en général escortés par des meutes de manifestants hurlants. On est renvoyé du jour au lendemain comme une bonne qu'a volé l'argenterie. Finalement, on est beaucoup moins bien payé, à responsabilité égale, qu'on le serait si on était chef d'entreprise dans le privé. J'ai été ministre de la Santé. Par exemple, je recevais une rémunération très inférieure aux directeurs généraux des agences régionales de santé et j'avais un salaire qui était deux fois inférieur à celui de la directrice d'assistance publique hôpitaux de Paris qui était sous mes ordres. Donc on se demande effectivement pourquoi ce prestige. J'ai souhaité l'Empire et j'y suis parvenu. Mais en le souhaitant, je ne l'ai pas connu. Dans sa possession, j'ai trouvé pour tout charme d'effroyables soucis, d'éternelles alarmes. Mille ennemis secrets, la mort à tout propos. Point de plaisir sans trouble et jamais de repos. Sinna, acte 2, scène 1. C'est quand même extraordinaire d'inscrire ses pas dans une histoire longue, celle de la République, d'avoir accès au fond, à ce que on peut encore considérer aujourd'hui comme le pouvoir suprême, c'est-à-dire celui de modifier la loi. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre du droit des femmes depuis le 18 mai 2012. De faire en sorte qu'un projet de société soit porté au plus haut niveau. Quand on a des convictions politiques, quand on a des engagements, je crois qu'il n'y a rien de plus appréciable que d'être en capacité de le mener à bien, ce projet politique. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens rêvent d'être ministres. Ensuite, je pense que même dans une société de grande transparence comme la nôtre aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à ce qui fait le quotidien d'un ministre. On en voit sans doute davantage les attraits, les côtés plaisants, les privilèges auxquels ça peut donner accès, plutôt que les contraintes qui sont pourtant nombreuses. Donc il y a sans doute beaucoup de gens qui, dans l'absolu, rêveraient d'être ministre, mais qui se rendant compte des multiples contraintes que ça entraîne, y renonceraient. France Inter. Vanessa Descoureaux, vous êtes à Matignon, vous avez surveillé les entrées, les sorties, les allées-venues. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ce soir ? Difficile de déduire encore quoi que ce soit, mais en tout cas, ça s'accélère depuis une petite heure. Ici, à l'instant, Dominique. J'avais moi-même quitté l'administration après la mort de Pompidou. Édouard Balladur, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation de 1986 à 1988, puis Premier ministre de 1993 à 1995. Et j'avais des responsabilités dans une entreprise privée où j'étais heureux et les choses marchaient bien. Mais, à dire vrai, et c'est peut-être que tout le monde ne pense pas comme moi, il n'y a rien de plus intéressant que les affaires de l'État et que les affaires du pays. C'est beaucoup plus intéressant parce que ça a à la fois une dimension intellectuelle beaucoup plus large, une difficulté beaucoup plus grande, et un intérêt, je dirais, national beaucoup plus marqué. Donc j'étais heureux de revenir au service de l'État. Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde, cette grandeur sans bornes et cet illustre rang qui m'a jadis coûté tant de peine et de sang, enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune d'un courtisan flatteur la présence importune, n'est que de ces beautés dont l'éclat éblouit et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit. Sinna, acte 2, scène 1. Il y a un désir chez certains d'être ministre, mais il n'y a pas de prestige. Robert Badinter, garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 juin 1981 au 18 février 1986. Être ministre sous la Ve, c'est en effet une assurance de demeurer plus longtemps qu'au temps de la Troisième ou de la Quatrième, mais quant à dire que s'y attache un prestige réel, je ne le pense pas du tout. Et ça, je vais vous donner un exemple, être un grand chirurgien, même un avocat important, c'est plus de prestige que la fonction ministérielle. Il y a entre les Français et leurs gouvernants une relation qui n'est pas du tout d'admiration initiale. Cette fonction reste prisée. Il y a toujours beaucoup de candidats. Michel Rocard, ministre d'État, ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire en 1981, puis ministre de l'Agriculture et Premier ministre à partir de 1988. Elle n'est plus prestigieuse du tout, c'est pas vrai. On a vu arriver dans la vie publique la vulgarité, la facilité, l'insulte même de temps en temps. Prestige, c'est fini. Je suis pas très protocolaire, mais ça existe quand même. Jacques Ralite, ministre de la Santé de 1981 à 1983. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je vais inaugurer un centre de santé, ou plutôt son anniversaire, à Dugny. On avait deux chauffeurs, étant donné l'amplitude. Mais à 7 heures du soir, je leur disais qu'ils pouvaient s'en aller, je conduisais, sauf si c'était une grande manifestation. Et je suis donc parti avec ma voiture. Et j'aime pas m'arrêter devant les gens. Ça fait tellement, regardez-moi. Donc je m'arrête avant. Et puis je viens à pied. Et bien quand vous regardez les regards des gens, on a l'impression qu'ils disent « Mais pourquoi t'as pas de voiture ?» Il y a un certain nombre de choses qui font partie des obligations auxquelles on doit répondre et que les gens, et là je parle des gens, des populations du 93, croient aussi. Mais finalement c'est compréhensible. Il ne s'agit pas d'être monarchiste, mais d'avoir des choses belles qui créent un cadre, c'est bien. Il y a une solennité dont on a besoin, je crois. Les électeurs sont fiers quand leur maire devient ministre. Marie-Noëlle Lindemann, ministre déléguée au logement et au cadre de vie en 1992-1993 et secrétaire d'État au logement de 2001 à 2002. Ils ont l'impression qu'on va parler de leur ville, qu'on va mieux s'en occuper. Maintenant, c'est plus ambigu parce que ils sont fiers au début, puis quand vous arrivez vers l'élection municipale, là, ils commencent à dire oui, mais le cumul des mandats, gna gna, etc. Donc, le premier mouvement est un mouvement de fierté, et en globalement plutôt fier. Puis après, la politique reprend sa place, et plus vous approchez des échéances électorales, moins votre statut de ministre vous protège, et parfois il vous fragilise, puisqu'ils vous font reporter sur vous-même une partie des critiques qu'ils font au gouvernement. On attend donc d'une minute à l'autre ou dans une dizaine de minutes la composition du gouvernement Raffarin III qui sera annoncée par le secrétaire général de l'Élysée, Philippe Bas. Tout de suite à l'Élysée, je vous propose de retrouver Florence Paracuellos pour savoir exactement où on en est, Florence. Alors oui, Lise, Jean-Pierre Raffarin a quitté l'Élysée vers 18h05, tout à l'heure par la grande porte cette fois, ce qui veut dire que tout est prêt. Nous sommes dans une république, il ne faut jamais l'oublier, qui est éminemment présidentielle, plus que celle des États-Unis. Alors, Robert Badinter. Dans la République, ça, dans la Ve République, c'est le maître tout-puissant et tout découle de là, y compris le choix des ministres. Tout ce qui est autour de lui se pense et est parfois important. Vous ne pouvez pas comparer en termes de pouvoir réel un ministre et le secrétaire général de l'Élysée. Alors, le rôle du secrétaire général est essentiel pour les ministres. François Baroin, successivement porte-parole du gouvernement, ministre de l'Outre-mer, ministre de l'Intérieur, ministre du Budget et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en 2012. Un rôle très puissant, il faut qu'il y ait un secrétaire général qui soit puissant, qui soit respecté par les ministres. En général, les ministres ont quand même ceci de supérieur aux secrétaires généraux, c'est qu'ils sont des élus, donc ils ont l'onction du suffrage universel. Mais le secrétaire général a ceci de supérieur à tous les ministres, c'est que son bureau est exactement à 3 mètres de celui du président de la République, qu'il n'a donc aucune difficulté pour avoir accès à lui. Très dans l'ombre, mais c'est très puissant. Quand il y a une volonté d'un Premier ministre de prendre des décisions sur tel ou tel point, c'est souvent le secrétaire général qui appelle la personne qui va être nommée. C'est très rarement le président de la République, et c'est seulement après le Premier ministre. Sur place pour France Inter, Dominique Souchier. Oui, Patrice Bertin, et je veux vous dire que Pierre Mauroy n'a toujours pas quitté l'Elysée, où il est entré très précisément à 17h25, il y a donc de cela plus d'une heure et demie. Le Premier ministre était le troisième visiteur de l'après-midi, puisqu'avant nous avions vu Jean Popraine et Michel Rocard. Michel Rocard a eu un entretien d'une heure, et il est ressorti d'ici avec un grand sourire, dont je me garderai cependant de tirer la moindre conclusion, car il n'a rien voulu dire. Pas plus d'ailleurs que Laurent. Il m'a d'abord dit, une des premières des choses à faire, c'est que vous me proposiez une liste du gouvernement. Michel Rocard. J'ai eu le plaisir intellectuel de voir le président de la République jouer à la Constitution. Puisqu'il est écrit dans la Constitution qu'un peut être nommé le Premier ministre propose au président qui nomme au titre de la Constitution, donc qui décide. Mais le Premier ministre dit la Constitution doit proposer la composition du gouvernement. Sans aucune espèce d'illusion sur ce que seraient les nominations finales, bien entendu. Mais enfin, il fallait jouer à ça. Alors c'est compliqué, il fallait du temps, etc. Voilà ce qui se passe dans ce premier tête-à-tête. Comme vous le savez, j'ai eu l'occasion depuis plusieurs jours de m'entretenir avec le président de la République de la formation du gouvernement. Et si je dis que je n'ai pas de commentaires, c'est simplement parce que le président de la République... Il est certain que les ministres reçoivent des instructions et des ordres du Premier ministre. Ce n'est pas le système de la Troisième République. Yves Guéna, ministre des PTT de 1967 à 1968, puis ministre des Transports en 1973 et 1974. Ils reçoivent également des ordres directement du président de la République. Les convoquer et leur dit j'entends qu'on fasse telle et telle et telle chose. Donc c'est une situation qui est au fond très intéressante parce qu'on est au premier rang et parce qu'on prend des risques, parce qu'on a à parler devant le Parlement, devant des foules aussi, et qu'on sait quand même qu'il y a l'œil du président de la République et du Premier ministre qui sont fixés sur vous. Sinna. Acte 5, scène 1. Ose me démentir, dis-moi ce que tu vaux. Conte-moi tes vertus, tes glorieux travaux, les rares qualités par où tu m'as dû plaire et tout ce qui t'élève au-dessus du vulgaire. Ma faveur fait ta gloire et ton pouvoir en vient. Elle seule t'élève et seule te soutient. C'est elle qu'on adore et non pas ta personne. Tu n'as crédit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne. Et pour te faire choir, je n'aurais aujourd'hui qu'à retirer la main qui seule est ton appui. Quand François Mitterrand m'a fait venir rue de Bièvre, en mai 1980, quelques jours seulement après son élection... Jean-Pierre Chevènement, ministre d'État de la Recherche et de l'Industrie en 1981-83, ministre de la Défense entre 88 et 91 et ministre de l'Intérieur entre 1997 et 2000. Il m'a dit, si je vous propose d'être ministre, à quel portefeuille souhaiteriez-vous que ce puisse être ? Alors j'ai été vraiment pris par surprise et j'étais encore assez naïf. Je n'avais pas compris que l'œil du ministre, c'est l'œil général qui permet de prendre la mesure d'une situation. Je pensais qu'il fallait être compétent. C'était ma vision de l'époque. Et je lui ai répondu, assez bêtement, il faut le dire, je ne suis compétent que sur les questions de l'énergie, qui m'ont toujours beaucoup intéressé, et sur la recherche, dont je suis rapporteur du budget. Donc je connais bien ces deux secteurs. Et j'ai vu le sourcil de François Mitterrand s'élever et me regarder vraiment comme si j'étais un imbécile. Car si j'avais dit l'intérieur, l'éducation nationale, la défense, ça aurait été de grands ministères qui auraient témoigné d'une certaine ambition. Donc son œil m'a regardé avec une once de commisération que j'ai perçue aussitôt. Et quand il m'a proposé d'être ministre de la Recherche, j'ai insisté pour que ce soit avec les budgets des organismes. C'est-à-dire que j'ai bâti un grand ministère de la Recherche, qui s'appelait à l'époque Recherche et Technologie, et que j'ai installé dans les locaux de la montagne Sainte-Geneviève, les anciens locaux de l'école polytechnique. Je suis allé rue de Bièvre, après le déjeuner. Robert Badinter. C'était là, j'ai quelque chose à voir avec vous, très bien. J'ai monté un ami qui est reparti avec l'air déçu. Je me suis dit, tiens, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Je savais parfaitement de quoi nous allions parler. Je m'y étais préparé en me promenant sur les bords de la Seine. Et il m'a dit, voilà, toujours des formules courtoises et enveloppées, est-ce que vous ne souhaiteriez pas être ministre ? Et j'avais préparé ma réponse et je lui ai répondu, oui, mais de la justice seulement. Il dit, ça, je suis désolé, mais c'est Maurice Faure. Je l'ai félicité sur l'excellence de ce choix et on a parlé de la soirée théâtrale à venir. Je n'ai d'ailleurs jamais su ce à quoi j'étais destiné. J'aurais dû le lui demander, savoir si c'était la jeunesse et les sports. Mais j'aurais pu à ce moment-là dire oui, et je serais entré au gouvernement. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je ne voulais pas être ministre pour être ministre. J'avais une vie merveilleuse. J'étais avocat, un très beau cabinet avec Bredin, et professeur d'université, fonction que j'exerçais avec bonheur. Mais être ministre de la justice à ce moment précis, ça oui. Pourquoi ? D'abord l'abolition. Et pas seulement l'abolition, parce que ça faisait si longtemps que je pensais à ce qu'est la justice, à ce que devrait être la justice française, aux réformes à intervenir, que inévitablement, quand je passais place Vendôme, je me disais, au fond, avec l'indiscutable orgueil, je serais mieux en face qu'en train de traverser la place. France Inter. Tout ce que nous allons vous dire s'auto-détruira dans une minute, hein, c'est la règle. Première supposition, Michel Alliot-Marie, pressenti un temps au Quai d'Orsay, resterait à la Défense. Et c'est Philippe Douste-Blazy. Quand on vous dit que vous allez rentrer au gouvernement, il y a deux attitudes possibles. Roselyne Bachelot. L'attitude des novices, qui font comme si c'était déjà arrivé, et qui se précipitent pour constituer leur cabinet, prennent des contacts et se retrouvent en général piteusement obligés d'avouer qu'ils n'ont pas été retenus. Moi, j'avais la chance ou la caractéristique d'être d'une famille de politiques qui connaissait ça par cœur. Et je m'en étais ouvert à mon père qui m'avait dit « Oh là là, rien n'est fait. Ma pauvre fille ne prend aucun contact, ne fait aucune démarche. Il y a des grandes chances pour que ça ne se réalise pas. Et effectivement, je m'étais bien gardée à son instigation. Je m'étais bien gardée de prendre quelques contacts. Bien m'en a pris. » Voilà donc encore quelques minutes de suspense. Composition de ce gouvernement relativement difficile, semble-t-il, puisque le Premier ministre a consulté pendant 3 jours pleins avant de se rendre à l'Élysée en fin d'après-midi. Donc ça a été un accouchement dans la douleur, Hélène Joie. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans un climat politique particulier. Ce n'est pas un remaniement. Ça doit se faire très vite. C'est stupide, d'ailleurs. Michel Rocard. Parce qu'en travaillant trop vite, on peut travailler mal. La plupart des pays mettent une bonne semaine. Alors, je ne parle pas de Belgique, qui, pour l'avant-dernière fois, a mis 1 an et demi. Mais s'obliger à le faire en 3 jours est évidemment dangereux. Surtout qu'en France, il y a une très mauvaise habitude. Prenez le cas anglais, par exemple, où la composition du gouvernement est fixe et stable. En nombre, en dénomination et en périmètre de compétences des ministères. Et c'est pendant les gouvernements qu'on change la dénomination d'une administration, qu'on étend une attribution nouvelle à un nouveau ministre. On ne parle pas de questions pareilles au moment où on forme le gouvernement. En France, ça se fait avec la composition du gouvernement, en découpant, en redessinant le périmètre de compétences des ministres. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est comme ça que la recherche scientifique est rattachée une fois sur deux à l'enseignement supérieur et l'autre fois sur deux à l'industrie. Tout ça est déraisonnable. Allô ? Oui, ici l'Élysée. Alors, Monsieur Messmer sort actuellement de l'Élysée et il s'apprête à faire sa déclaration. Messieurs, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui, conformément aux traditions, vous donnera dans un instant lecture de la liste des membres du gouvernement. Vous pouvez constater que cette liste vous sera communiquée moins de 30 heures à partir... Il n'y a pas de règle générale pour définir le périmètre du pouvoir d'un ministre. Cela dépend d'abord de lui-même. Édouard Balladur. De son autorité, de sa compétence, de son prestige. dans une certaine mesure, de sa volonté d'indépendance, dans le respect de la solidarité, bien entendu. Et puis, ça dépend des premiers ministres ou des présidents en exercice qui peuvent être plus ou moins intervenants, plus ou moins directifs et plus ou moins tolérants envers l'existence de quiconque d'autre qu'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de règle, si vous voulez. Allô. Voici allô, Monsieur Balladur, va lire la liste du gouvernement. Allô, Michel Leblanc. Voici la liste des membres du gouvernement nommés par le président de la République sur la proposition du Premier ministre. Ministre d'État chargé de la Défense nationale. Un ministre arrivant à son poste se dit « Qu'est-ce que moi je vais faire ?» par rapport à ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Yves Guéna. Alors, je le dis, d'autant plus que quand j'ai pris les postes de télécommunications, les postes, ça marchait, mais les télécommunications, j'étais vraiment faible, je me suis dit, il faut que je donne, il faut que je rende les télécommunications françaises modernes. Et je m'excuse de dire, n'importe qui d'autre l'aurait fait, mais je l'ai fait. Voilà. Alors, je ne me félicite pas, moi, ça veut dire que vraiment, j'avais des collaborateurs qui étaient très bons et que aussi les techniciens étaient capables, du moment qu'on leur en donnait les moyens, de faire ce qu'il fallait pour que la France devienne un pays moderne en ce qui concerne les télécommunications. Pour exercer sa fonction de ministre, il faut d'abord avoir une ligne politique. Il faut savoir ce qu'on veut faire, quels sont les dossiers que l'on veut faire avancer. Et je dois dire que, dans toutes mes fonctions ministérielles, la feuille de route que je m'étais fixée, je l'ai remplie. Mais il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas de ligne politique. Et c'est sans doute ça qui leur donne une grande difficulté, parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ne savent pas où ils veulent aller. Et quand on ne sait pas où on veut aller, évidemment, on erre sur des chemins de traverse. L'audace n'a de sens et n'est vraiment efficace que si vous avez une certaine compétence. Marie-Noëlle Lindemann. Parce qu'il faut que quand vous déterminez votre ligne politique, celui qui est en face de vous ait le sentiment que vous maîtrisez bien les conséquences et le dossier. Avec les hauts fonctionnaires, par exemple, ou avec tous les décideurs, j'ai toujours trouvé légitime qu'ils disent qu'ils n'étaient pas d'accord. Le culot et l'audace, ce n'est pas l'autoritarisme. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, quand j'ai dit « il faut casser les ghettos », qui était une formule un peu choc, parce que je pensais qu'il fallait commencer à démolir certains immeubles pour reconstruire des quartiers toujours populaires, mais plus mixés, à l'époque, ce n'était pas le sujet. Oui, mais est-ce que... Je savais pourquoi, parce que ça faisait des années que je vivais dans les grands ensembles, dans des villes où il y avait des quartiers, que j'aime ces quartiers, et je savais qu'il fallait absolument en bouleverser ici ou là, et pas systématiquement le cadre. Bon. Mais j'ai toujours dit à tous mes interlocuteurs, si vous n'êtes pas d'accord, il faut que vous me donniez vos arguments. Parce que le ministre, ce n'est pas son point de vue qui compte, c'est ce qu'on peut considérer être l'intérêt général en fonction d'une ligne politique qu'il développe. Ce n'est pas se dispenser de débats politiques, ce n'est pas se dispenser de la contradiction, ce n'est pas de se dispenser de la capacité réelle à mettre en œuvre ce que vous dites. Parce que les mots qui ne se débouchent sur aucun acte ne servent à rien et sont vite disqualifiés. France Inter. Voilà à peine un quart d'heure que l'on connaît la composition du gouvernement Raffarin. Nous allons y consacrer une grande partie de ce journal et la totalité du téléphone sonne jusqu'à 20h. Je vous propose tout de suite de réécouter... Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le directeur de cabinet. Jacques Ralit. Parce que, ou vous avez un bon directeur de cabinet, ou non. Et alors, j'avais rencontré deux fois dans ma vie un homme qui s'appelait, puisqu'il est mort aujourd'hui, Jacques Latrille. C'était un grand biologiste. Il était vice-président de la conférence des présidents d'université. Et comme j'étais membre de la commission des affaires sociales, il venait chaque année faire un rapport. Et il parlait, je le regardais. Mais quand Marchais m'a dit, dans ma tête, j'ai dit, il a trillé. C'est un homme de grande qualité, je dis que c'est... J'ai cherché son numéro et je l'ai appelé. Et alors lui, il a été stupéfait comme j'avais été stupéfait. Une discussion entre deux stupéfaits, ça n'existe pas. J'ai simplement dit à quoi je pensais. Mais il m'a dit, je peux réfléchir. J'étais très content, ça voulait dire qu'il commençait à penser à venir de Bordeaux à Paris. Il m'a dit, je vous rappelle demain matin. Il m'a rappelé à 6 heures. Il m'a dit, je viens à 9 heures, il était là. Et on a engagé un travail inoubliable. Inoubliable. Le tapis rouge est déroulé, les gardes républicains, sabres sur l'épaule, sont au garde à vous. Et dans la cour de Matignon, des dizaines de personnes travaillant pour les services du ministre. C'est incontestable que quand on arrive pour la première fois à l'Élysée, au Conseil des ministres, ce sont des moments qui vous marquent. C'est quand même le Conseil d'administration de la France. Donc quand vous avez votre chevalet avec votre nom, avec une place qui vous est attribuée, que vous asseyez pour la première fois, il y a une impression d'une force considérable et vous êtes immédiatement, je pense, envahi, et c'est vrai pour, à mon avis, tous les ministres, quel que soit leur rang, leur grade et leur secteur, par un sens de la responsabilité considérable. Premier conseil des ministres, ben j'étais évidemment un peu impressionné, même si je connaissais le général de Gaulle et que le général de Gaulle m'identifiait facilement. C'était extrêmement solennel. Quand le général de Gaulle vous donnait la parole, il disait toujours « Monsieur le ministre de telle et telle chose, qu'en pensez-vous » Il n'y a qu'un seul ministre pour qui il avait une attitude différente, c'était Malraux. Le général se tournait vers Malraux et lui disait « Et vous, cher ami, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais c'est le général de Gaulle qui posait les questions et qui demandait les réponses aux ministres. Et il n'y en avait pas beaucoup qui auraient pris l'initiative de lever la main pour répondre si on ne leur posait pas la question. Et moi, vous le savez, je tiens sous ma puissance cette foule de chefs, d'esclaves, de muets, peuple que dans ses murs renferme ce palais et dont à ma faveur les âmes asservies m'ont vendu dès longtemps leur silence et leur vie. Bajazet, acte 2, scène 1. Valéry Giscard d'Estaing avait une grande expérience des conseils des ministres. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'État aux universités de 1974 à 1976, à la jeunesse et au sport de 1976 à 1977, puis sous François Mitterrand, ministre du Travail et de l'Emploi et ministre d'État de la fonction publique et de la modernisation administrative. Il avait été ministre sous le général, sous Pompidou. Et de tous les présidents de la République que j'ai pu connaître, c'est celui qui était le plus gaullien, qui avait la plus grande distance avec les membres du gouvernement. Je me rappelle Joël Leteux, le ministre de la Défense. Il défendait un matériel militaire et son choix n'était pas celui du président de la République. Et il était malheureux, il voulait faire changer d'avis le président. Il lève la main. Deux mots, monsieur le président de la République. Et Giscard répond, deux mots, ils sont dits, monsieur le ministre. Alors, il faut d'abord se souvenir qu'il y a très peu de débats au Conseil des ministres. Nos républiques ont hérité du cérémonial créé par nos rois et nos empereurs. Et le Conseil des ministres en France est très différent de ce qu'il est dans les pays où on délibère. Aux Pays-Bas, le Premier ministre n'est qu'un parmi ses pairs, comme il dit, et on vote. Le Premier ministre est un distributeur de la parole, pas plus. Et sa voix n'est même pas prépondérante quand on vote. Même chose en Israël. Même chose en partie, c'est un peu plus nuancé, à Downing Street en Angleterre. En France, c'est un lieu d'enregistrement. On vérifie les accords obtenus derrière les textes qui partent. Et de temps en temps, il y a des débats, ils sont rares. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Il faut s'intéresser à son administration. C'est l'administration qui fait votre politique. Roselyne Bachelot. Et je suis toujours un peu effrayée par le désintérêt de beaucoup de ministres vis-à-vis de leur administration. J'ai voulu être très présente auprès de cette administration dans tous les postes ministériels que j'ai eu à assumer, et j'ai opéré dans toutes ces administrations de profondes réformes, dont évidemment la plus importante est la création des agences régionales de santé, qui est une réforme administrative d'une puissance considérable et qui s'est effectuée sans un seul jour de grève. supprimer des administrations qui, pour certaines, dataient du XIXe siècle, sans qu'un seul des fonctionnaires concernés n'ait mis, si j'ose dire, le nez à la fenêtre, ça demande un travail de fond, de passer parfois des journées entières dans des administrations, dans des directions de petits départements, et de dialoguer, de faire du dialogue social avec cette administration. La troisième condition, c'est d'être un ministre parlementaire, parce qu'on est dans une démocratie parlementaire, et que, quelquefois, le rôle ministériel, les ors de la République, l'aura du président de la République, vous fait oublier que rien n'est possible sans les parlementaires. Ma première surprise, ça a été la pagaille dans laquelle se trouve l'État. Marie-Noël Lindemann. Moi, peut-être parce que je suis une femme de l'Est et parce que j'ai été élue locale, pour moi, l'État, c'était quelque chose qui fonctionnait bien, qui était un outil bien préparé pour les missions qui étaient les siennes. Et arrivant au ministère du Logement, je découvre qu'on ne sait pas vraiment combien il y a de demandes de logement en France, où elles sont, de demandes HLM par exemple, ou de logements sociaux. Je découvre un État qui est assez impuissant à agir. On me dit « ah oui, mais ça, ce n'est pas possible parce que les maires ne veulent pas, etc. » Donc j'ai eu assez vite l'impression que l'outil public que j'attendais, performant, rapide à mettre en œuvre, était une énorme machine qui finalement ne s'était pas dotée de méthodes de travail efficaces. Ça a été ma première grande surprise. L'administration est à la fois un frein et en même temps une force. Parce que bon, le vrai frein, c'est que l'administration sait qu'elle reste pendant que les politiques passent. Mais je ne suis pas pour qu'on change le système à l'américaine. Hein. Le vrai frein, il est là parce que quand vous arrivez en fin de mandature, la légitimité politique du gouvernement dans lequel vous êtes est plus faible que quand vous arrivez au début de la mandature. On dit beaucoup de mal de l'administration, on en dit beaucoup de bien. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication entre 2009 et 2012. On en dit beaucoup de bien parce que l'administration tient la machine envers et contre tout, et génération après génération, et génération de ministres après génération de ministres, et que s'il n'y avait pas l'administration, il ne resterait plus rien. Et on en dit du mal parce qu'on dit que effectivement c'est comme un mur aussi, qui résiste à tout, et qui résiste à toutes les tentatives de réforme. Les bons ministres arrivent à se faire respecter et obéir de l'administration. Simone Veil m'a dit un jour, Roselyne Bachelot, c'est un bon ministre. Elle tient son ministère. Et alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous appelez par tenir son ministère? Et elle m'a répondu, elle se fait respecter et obéir par son administration. Je pense que c'est assez formidable, hein, déjà d'arriver à faire ça. Dans les véritables difficultés que vous pouvez avoir quand vous êtes un ministre dépensier, entre guillemets, c'est avec le budget. Autrefois Rivoli, et maintenant on dit Bercy, avec Bercy pour arracher les 3-4 sous nécessaires. Derrière vous, votre collaborateur budgétaire, le directeur de cabinet, les directeurs du ministère sont là, monsieur le ministre. Si nous n'avons pas tel crédit, nous ne finirons pas l'année. Nous ne finirons pas l'année, non. C'est le commerçant qui ne va pas faire l'échéance. C'est ça, la véritable difficulté dans les rapports, c'est le ministre des Finances et les autres. Bon, moi, ça ne me gêne pas que Bercy, le ministère des Finances, dise qu'il ne faut pas dépenser plus que ce qui est possible. C'est son rôle. Mais qu'il rentre dans le détail sur comment, non, il ne faut pas faire ceci, faire cela, en lieu et place du ministère et du ministre, pour dire comment, avec la même enveloppe, on peut inscrire une politique ou une autre, ça m'a toujours insupporté. La grande difficulté pour un ministre de l'Environnement, c'est de convaincre ses collègues. Et précisément ensuite, c'est toujours la même histoire. Il vaut mieux être un mastodonte qu'un freluquet. Brice Lalonde, secrétaire d'État chargé de l'Environnement à partir de 1988, puis ministre de l'Environnement, en 1992. Et le freluquet, en quelque sorte, mon ministère, n'a réellement pu fonctionner que grâce à l'appui du Premier ministre Michel Rocard, auprès duquel j'étais. Je me souviens, quand je suis arrivé au gouvernement, 2 ans auparavant, une fameuse loi française avait été votée à l'unanimité, la loi sur le littoral, la protection du littoral. Et pendant les 2 ans de la cohabitation, il y avait un accord général pour ne pas l'appliquer. Et quand je suis arrivé au gouvernement, comme je veux défendre le littoral, je suis un du littoral, j'ai décidé de l'appliquer et de sortir les décrets d'application, en tous les cas pour ce qui concerne ma propre compétence et les espaces naturels à protéger au bord du littoral. Mais ça a été toute une histoire. Et ensuite, il a fallu que je me frotte en quelque sorte à tous les autres, l'équipement, l'agriculture, la mer, etc. Parce que le ministère de la mer est tout autant, est plutôt celui des pêcheurs que celui des poissons, en quelque sorte. Alors, donc, moi, je défendais aussi les poissons. J'étais proche, ministre du Travail, de Michel Rocard. Jean-Pierre Soisson. Mais c'était Jean-Paul Huchon qui était son directeur de cabinet. Tous les jours, je traitais avec Jean-Paul Huchon. Donc, vous avez un premier niveau, Matignon. Deuxième niveau, l'Élysée. Et ce n'est pas le président de la République. Ce sont les conseillers du président de la République. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à emmerder les ministres qui sont sous leurs ordres ou dans leur portefeuille. Alors, ils m'appellent sur l'inter toutes les deux heures et tu ne crois pas qu'il faudrait faire ça. Ça veut dire, en langage administratif, tu m'excuseras, tu dois faire ça. Et vous êtes très souvent sur la défensive, essayant de, finalement de mener à bien votre barque sur les quelques sujets essentiels. Un ministre fait deux, trois choses, et le reste, walou. Je n'ai pas l'impression d'exercer le pouvoir au sens où, du jour au lendemain, je pourrais taper du poing sur la table et dire « vous me changez ça tout de suite » et c'est fait dans les 24 heures. Et... Najat Vallaud-Belkacem. En revanche, j'ai le sentiment d'exercer un pouvoir qui est extrêmement important et donc j'y suis vraiment très attachée et c'est pour ça que je suis heureuse d'être là, qui est le pouvoir, d'une part, de convaincre les gens. Je pense que ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est quand même aussi beaucoup la parole. Donc, de convaincre les gens de faire des sujets une priorité politique, de communiquer sur des sujets qui sont parfois des grands oubliés, les violences faites aux femmes, etc. Et de faire en sorte que ça impacte les comportements. Et puis, d'autre part, de changer la loi. Dire le droit... c'est quand même assez extraordinaire. Alors vous me direz le législateur là aussi, mais quand on est ministre, on a sans doute plus de moyens pour cela. Et j'avoue que c'est la partie que je préfère. Pour moi, l'acte le plus important, le plus difficile aussi... C'est la défense d'un projet de loi, c'est l'intervention à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est le texte auquel vous croyez, que vous avez rédigé, préparé, et qui se trouve face à des centaines d'amendements venant de votre majorité, comme de l'opposition, texte qu'il faut défendre des nuits durant, avec une très grande fatigue, et là, en gardant le sang-froid et en sachant s'appuyer sur ceux qui peuvent vous soutenir, votre rapporteur, ceux qui ont préparé le texte avec vous. Et en même temps, c'est le vrai jeu de la démocratie. C'est le ministre face à l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif face au pouvoir législatif. Et ça existe dans la discussion d'un texte. Difficulté principale pour un ministre, c'est la tribune de l'Assemblée nationale. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, j'ai le sentiment d'assumer, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition, législateur français. De tout mon cœur, je vous remercie. Le pouvoir du ministre se trouve aujourd'hui de moins en moins, je dirais, imparable. Jacques Toubon, ministre de la Culture entre 1993 et 1995, puis garde des Sceaux entre 1995 et 1997. Probablement sous la 3e ou la 4e République, le pouvoir ministériel était fort. Il est beaucoup plus relatif aujourd'hui. Mais la volonté et la capacité d'action sont inhérentes à la fonction ministérielle. Alors que, quand vous êtes parlementaire ou quand vous êtes élu local, vous pouvez avoir le sentiment qu'une partie de la décision vous appartient. Par exemple, vous votez des lois que vous propose le gouvernement, mais qu'en réalité, le fond du pouvoir, le processus de décision appartient plutôt, par exemple, à ceux qui, dans le gouvernement, fabriquent les lois ou les décrets. C'est souvent d'ailleurs ce que les parlementaires reprochent. Ils considèrent que l'exécutif, dans un régime comme le nôtre, qui est semi-parlementaire, semi-présidentiel, continue à avoir trop de force par rapport au législatif. Et je crois qu'en France, c'est vrai. France Inter. Évidemment, les rumeurs vont bon train quant à ceux qui pourraient perdre leur Marocain ou bien être promus au rang de ministre. Première supposition, les ministres venus de la société civile. On prend goût à l'influence. Frédéric Mitterrand. On prend goût à la capacité à bouger les choses. On prend goût à la capacité à réduire des injustices et à se dire qu'il en restera quelque chose. Mais on sait aussi à quel point c'est fragile. Le statut que l'on a dépend de plein de choses différentes qui ne sont pas forcément uniquement dues à sa propre personnalité. Et donc, voilà, on sait que ça va se terminer. Des rumeurs, des indices, des réponses, des contre-attaques et du non-dit. La journée politique, c'était un peu tout ça à la fois aujourd'hui. Ce matin, ni Claude Allègre ni Christian Sauter, qui sont sur la sellette, n'ont fait le moindre commentaire. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale... Une des réformes que j'ai engagées et que je n'ai pas menées au bout avant de quitter le ministère de la Justice, Jacques Toubon, m'a laissé un peu amer. C'est un bon exemple. J'avais préparé toute une série de textes pour la prévention et la répression de la délinquance sexuelle. C'était, vous le savez, à cette époque qu'on a commencé réellement à se préoccuper de cela. J'ai vraiment eu le sentiment, sur un sujet où j'avais profondément vécu la détresse des victimes, des parents des victimes, et puis, naturellement, le caractère extrêmement difficile de traiter le cas de ces délinquants et de ces criminels sexuels. Comment éviter la récidive ? Et j'avais le sentiment d'une grande frustration parce que je pensais que la proposition que j'avais faite était utile, en quelque sorte. Voilà un élément où je me suis senti, en quelque sorte, un peu impuissant par rapport à une mécanique qui était une mécanique de frein et de ralentissement, alors que moi, pour des raisons sociales, en quelque sorte, je voulais aller vite. Dès 13h05, nous vous annoncions, grâce à Henri Pajot qui se trouvait dans la cour de l'Élysée, qu'au cours du Conseil des ministres de ce matin, M. Jacques Chaban-Delmas, le Premier ministre, avait remis sa démission au président de la République qui avait accepté cette démission. Il n'y a qu'en France où les ministres ne font pas la mandature. Roselyne Bachelot. Dans les autres pays européens, le Premier ministre qui arrive, il est entouré par une équipe qui fait la mandature, ou s'il y a un changement, il est justifié par une circonstance exceptionnelle. Il n'y a pas cette valse des ministres. On est évidemment la risée de toute l'Europe. Enfin, imaginez, je faisais le compte, quand on a procédé à la nomination de M. Bernard Cazeneuve comme ministre du budget en remplacement de M. Cahuzac, il était ministre des Affaires européennes, nous en étions à notre 10e ministre des Affaires européennes. Alors que dans l'Europe, on ne peut pas contraindre, on ne peut que convaincre. Et que, bien évidemment, il faut établir des liens d'amitié, de convivialité avec ses collègues. Et on fait ça. Mais c'est d'une absurdité incroyable. Donc, c'est terrible pour les ministres, mais ce n'est pas très grave. Mais pour les équipes qui vivent dans les transes, dans le stress et dans les couloirs, ça s'agite. Tu crois que ça va arriver ? Est-ce qu'on sera là demain ? Le tapis rouge est déroulé, les gardes républicains, sabres sur l'épaule, sont au garde à vous, et dans la cour de Matignon, des dizaines de personnes travaillant pour les services du Premier ministre attendent pour dire au revoir à Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin ont un long entretien d'une cinquantaine de minutes, et puis Dominique de Villepin... On ne raconte rien dans le creux de l'oreille à son successeur. Frédéric Mitterrand. Lorsqu'Aurélie Filippetti est arrivée, je lui ai donné une note que j'avais préparée, manuscrite, où je reprenais un certain nombre de thèmes qui me semblaient importants, et puis j'évoquais quelques cas particuliers, ce qu'on appelle le testament, en langage politique habituel. Chaque ministre laisse un testament à son successeur. Le testament, en général, c'est que telle personne qui a 63 ans et qui est à 2 ans de la retraite aimerait garder son poste. Et la règle, c'est que le successeur, quelle que soit l'orientation politique, applique le testament. Cincinnatus, tragédie en 3 actes de Antoine Vincent Arnaud. Né du péril extrême, mon pouvoir doit cesser avec le péril même. J'ai vécu, je termine ici mes longs travaux. Mais avant d'abdiquer la hache et les faisceaux, avant que d'expirer, peuple, je veux te dire que de toi seul dépend le destin de l'Empire. Que tant d'ambitieux plus puissants que la loi, dans toi seul ont trouvé leur force contre toi. Qu'il faut te méfier de toute idolâtrie, n'adorer que les lois, n'aimer que la patrie. Mon père, quand je suis rentré dans son bureau à l'Assemblée nationale, m'avait dit « N'aie aucun objet personnel. Tu dois quitter ce bureau tous les soirs comme si tu ne devais jamais y revenir. » Et c'est ce que nous avons appelé la cesse de l'adieu. Mon cher Pierre, je souhaite au nouveau Premier ministre et au nouveau gouvernement tout le succès nécessaire pour tous les Français. Merci. Et quant à moi, je rentre chez moi, à Bordeaux, où m'attend beaucoup de travail pour ma ville et pour tout le Sud-Ouest. Avec le sentiment du devoir accompli et de la confiance dans le nouveau Premier ministre. Au revoir. Être ministre entre espoir, pouvoir et désillusion, avec les témoignages d'Yves Guénat, Édouard Balladur, Michel Rocard, Roselyne Bachelot, Jean-Pierre Chevènement, Robert Badinter, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Pierre Soisson, Brice Lalonde, Jacques Toubon, Frédéric Mitterrand, Marie-Noël Lindemann, Jacques Ralit et François Barouin. Un documentaire conçu à partir des entretiens réalisés par Jean-Michel Gian pour son documentaire « Ministre ou rien » diffusé le vendredi 17 janvier 2014 sur France 3. Lecture des extraits de Sinna, Bajazé et Cincinnatus, Éric Herson-Macarel, mixage Valérie Lavalard, Archivina choisi par Aurélie Marsay, un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Jean-Michel Gian réalisé par Renaud Dalmar. Demain, si vous voulez nous rejoindre, eh bien nous discuterons avec des gens qui ont travaillé sur l'histoire du Figaro, car nous participons à l'opération Cause commune de France Culture avec ce journal. Nous parlerons du Figaro comme journal de la politique, mais également des ministères. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger pendant 1 an et laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.